Donc, pour en revenir au GIEC, nous préparons le cinquième rapport du GIEC. Ils prennent en compte donc les effets de serre, mais aussi les autres agents polluants, les poussières. Et chose nouvelle, les prochains rapports vont également prendre en compte les activités socio-économiques d'une manière indépendante. Ça veut dire on a travaillé avec des sociologues qui prennent en compte l'évolution de la démographie humaine, l'évolution des technologies, l'estimation des rejets de polluants dans l'atmosphère. Donc, c'est pour ça un petit peu que les nouveaux scénarios s'appellent des RCP, des Representative Concentration Pathways, parce que ça, chaque scénario représente un petit peu les émissions, les concentrations estimées des différents polluants dans l'atmosphère. Donc, bien entendu, par rapport aux modèles antérieurs, ils peuvent être retraduits en termes d'énergie, donc en watts par mètre carré, de manière à pouvoir les comparer aux calculs, aux mesures qui étaient faits auparavant. Et autre nouveauté, donc en dehors de la descente d'échelle à l'échelle de 30 à 50 ans sur nos régions et de la spatialisation régionale avec une précision de l'ordre de 50 km, on fait également une projection jusqu'aux années 2300. Donc voici les courbes sorties des cerveaux et des ordinateurs français. Donc les courbes en trait plein correspondent au scénario RCP, donc les derniers utilisés. Les courbes en pointillés correspondent aux derniers scénarios faits par le GIEC. Donc bien entendu, on démarre toujours en 1850 et la projection va jusqu'en 2250. La ligne rouge, c'est le RCP 8.5, c'est le scénario le plus pessimiste. C'est-à-dire que rien n'est fait, on continue à se développer, la démographie augmente, on augmente les polluants, on construit de plus en plus de voitures, de plus en plus d'usines et on rejette à tout va. Donc c'est le scénario catastrophe. A contrario, la ligne bleue, c'est le scénario où les gouvernements mondiaux appliquent une politique drastique de réduction des rejets des polluants, donc tout va bien, bien dans le meilleur des mondes. Et qu'est-ce que l'on constate? Donc jusqu'aux années 2000, on a une croissance, grosso modo, du forçage radiatif, avec pour la courbe bleue une stabilisation à partir des années 50, voire une décrue. Ça veut dire qu'on va réussir à prélever du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc on va assister à une baisse des températures. Bien entendu, la courbe rouge est beaucoup plus pessimiste, hein, puisqu'on arriverait à ce moment-là à des valeurs très importantes. Je vous présenterai tout à l'heure une carte pour les variations de température. Alors, au niveau des Antilles et de la Guyane, en termes de régionalisation, nous travaillons sur deux scénarios principaux. C'est la courbe verte qui correspond à un scénario d'évolution moyenne. Donc, on commence à appliquer des politiques de réduction de rejet de polluants, mais il y en a encore. Donc, on observera une stabilisation à partir des années 2100. Hein, grosso modo, et on travaille sur le scénario extrême, donc le plus chaud, le plus catastrophique. En termes de température, voilà ce que ça donne. Ah oui, j'oubliais, la courbe bleue, donc, qui est le scénario le plus favorable, est un des scénarios qui n'a pas été traité dans les précédents rapports du GIEC. C'est une nouveauté. Donc c'est vraiment le scénario le plus favorable. Donc en termes de température au niveau mondial, on constaterait qu'on obtiendrait une certaine stabilisation avec une hausse de l'ordre de 2 degrés d'ici 2070 et avec une stabilisation derrière. En revanche, pour la partie la plus catastrophique, la plus chaude, si rien n'est fait, on aurait une augmentation de 4 degrés d'ici 2070, quasiment 5 à 6 degrés pour 2100 et puis une hausse de 12 degrés pour 2300, donc franchement catastrophique pour les générations futures. Bon, bien entendu, ce n'est pas ce scénario qui sera privilégié, mais ça donne simplement une idée de l'ampleur maximale du réchauffement que l'on peut obtenir.